Giraud Riquier, ad un finamant fudats. Ad un finamant fudats per si dons les pièces d'amour, el sasus, el luex mandats, el jours, quel ser de clunur penri, anava pessius et disia suspirant, junts, ben creixes amundant, el ses au cim et sus longs espès. Tanter l'amant couchas et la désirant ardour, del joy que l'el autrijas, qu'elle cédava grand temour, qu'al ser nous attendes vius, et disia suspirant, jours, ben creces amundans, el ses au cim et sus longs espès. Nuls hommes nous n'era délats à l'amant que sa douleur nous conegues, tant turbas erab semblant de plour, tant li era el jours esquiu, et disia suspirant, jours, ben creces amundant, el ses auxim et sus longs espers. Moltes geut un menastrat a cel cam nul valedur nous pos valer, d'un gardas, d'estaman en cal langur er al jour d'afans aisius, et disia suspirant, jour, ben creces amundant, el ses auxim et sus longs espers.